Attention, grenouille pleine. Nous en sommes ce soir à la deuxième émission de ce retour automnal de réanimation. Et Sinistrose devrait avoir repris ses aises et ses esprits. L'ayant épargné la semaine dernière, cela signifie que je pourrais ce soir agir à la mesure de ses agissements et paroles, soit être rigide, intransigeant, mais comme toujours, juste. Parce que cet abominable gobelin de mes deux, de Sinistrose, est d'une extraordinaire indiscipline, en plus d'être désagréable, très peu respectueux, désordonné, peu fiable, maladroit, dérangeant, malfaisant, ignare et malicieux. Et ces qualificatifs ne sont qu'une un mince échantillonnage de sa personne. Vous direz que l'on a ce qu'on mérite, et je vous répondrai que oui, je mérite bien mieux. Ne soyez donc pas surpris que Sinistrose termine l'émission de ce soir dans une petite boîte comportant plusieurs morceaux et des instructions stipulant « remonter à l'envers ». Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Et tout simplement parce que les difficiles casse-têtes ne sont pas tous dans les boîtes. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Débutons tout en douceur. Go! We'll be right back. sont l'éternel gobelin de jeu, vétéran du métal si fou. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette deuxième édition du retour au terminal de réanimation des Undead Incorporated Show. Et pourquoi, Race, est-ce que t'as coupé la dernière pièce aussi abruptement? Ben, parce que c'est Horace qui opère la console ce soir, hein? Hein, Sinistros? Oui, c'est un petit sacripant. Oui, ça, c'est un terme très poli. Moi, j'avais autre chose en tête, mais bon. Se taire parce que ça y risque d'arriver d'autres petites erreurs au courant. Oui, mais il est pas très adroit, hein, faut dire. Écoute, c'est juste un petit singe. C'est pas grave. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de mon comparse assistant et souffre-douleur et aussi plaie vénéneuse Sinistros. Plaie vénéneuse. Ça, c'est mon nom de scout, ça. Plaie vénéneuse. Ah, oh, c'est excellent. Ça va dans le bois, il se coupe tout le temps, puis ça sonne, mais il n'y a plus tout. C'était le ça poche. Merveilleux. Tout le temps seul dans son coin. Soit je m'en trouve un bon aussi. La comme... deux, bien sûr, le bord du feu. Bon, non, ce soir, c'est la dernière émission du mois. C'est drôle, hein? Ça fait deux fois qu'on fait l'émission. Ça... c'est quand même. Ça a passé vite, hein? Ben, écoute, c'est la dernière émission. On va revenir dans quatre mois. Imagine-toi, il me semble que. Attends. C'était pas longtemps, le mois de mai. Ben oui. Donc, comme étant la dernière émission du mois, ben on reprend la tradition de passer les albums marquants. Et ce soir, on voit deux trucs, ben, en fait, respectivement... À l'opposé. Possiblement. Oui. Oui, parce que j'ai choisi un album de Napalm Death, qui est Diatribe, ce qu'on va entendre dans environ, je dirais, une quinzaine de minutes, peut-être. Alors que Sinistros a choisi quelque chose qui date de, je dirais, 13 ans. Ben oui, c'est 13 ans plus tôt, à l'époque du heavy metal très traditionnel, soit oui. Quiet Riot. Effectivement. Non, j'ai rien contre cet album-là. C'est plutôt contre toi que j'ai quelque chose à avoir choisi. J'avais compris. Toujours est-il que j'aurai une petite nouveauté à vous présenter un peu plus tard en émission en ce qui est la formation des Pays-Bas. Ben, en fait, c'est un amalgame entre les États-Unis et les Pays-Bas sur Sage of Power. Qui comporte des membres de Asphyx et de ouais. Grand Supreme Blood Corps. Ouais, c'est majoritairement ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'instant, on vient d'entendre la formation canadienne, québécoise, montréalaise. Gorguts, avec la pièce Das Martyrium Des, qui est tirée de leur quatrième album From Wisdom to Hate, qui est paru le 6 mars 2001 sur Olympique, album auquel Daniel Chewy Mongrain a collaboré au niveau de la guitare. Et en ce qui concerne justement Chewy de Voivod, eh bien Sinistros nous entretiendra la semaine prochaine du nouvel album de Voivod. Bien sûr. Et pourquoi il ne le fait pas cette semaine? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. C'est parce que pour faire parce que Sinistros fait des chroniques un peu farfelues, j'en comprends, et j'en conviens, écrit n'importe comment, là, sur hurlamort.com, mais pour faire des chroniques, faut avoir l'album, hein? Oui, c'est bien important. C'est très, très important. Et il a commandé l'album en version, cette fois-ci, rouleau de cire. Oui, c'est beaucoup plus long à avoir, oui. Hein? Non, ben, c'est pas vrai, c'est pas en rouleau de cire, c'est en cassette 8 pistes. Mais il n'a reçu son album que aujourd'hui. Ben oui, il est encore dans sa petite boîte. Donc, pour pouvoir bien apprécier l'album, pour pouvoir bien en parler de façon objective, ben, la chronique et la présentation vont être la semaine prochaine. C'est en plein, ça. Bon! Tant qu'à moi, intelligent comme je suis, ben, je l'ai déjà écouté au moins 20 fois. Je l'ai écouté à quelques reprises aussi, parce que j'ai pas attendu que la vinyle arrive, voyez-vous. Qu'est-ce que ça fait? Ben, je t'allais l'acheter en CD. Et puis tu penses que tu peux pas le présenter en CD ici, hein? Non. OK. Ben non, parce qu'on fait des mix maintenant en MP3. Effectivement. Bon, ça rentre pas dans ton ordi, j'essaie de te mettre dans l'écran. Tu t'en viens bien, là, tranquillement. Pas tu commences à avoir de la rhétorique. Pas félicitations. Ce soir, c'est une émission fort plate. Je dirais parsemée de quelques commentaires parfois dérangés et probablement non pertinents. Quoi qu'il en toujours soit, non, avant Gorguts, nous avons eu la formation de Suède, les pionniers du djent, Meshuga et la pièce Perpetual Black Second, qui est tirée des albums, un de mes albums préférés de 2002, soit Nothing, qui est paru le 6 août, sous l'étiquette Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec un extrait du premier album des membres de Mastodon d'Atlanta. pas des membres de Mastodon, mais de Mastodon, dont les membres sont d'Atlanta plutôt. Et la pièce Work Horse, qui est tirée de Remission, qui est parue le 28 mai 2002 sur Relapse, qui, je dois dire que cet album-là, Remission et Leviathan, c'est pas mal les meilleurs. C'est pas mal ceux qui ont mon assentiment. Je dirais. Sans dire que c'est pas bon par après, mais ça a comme changé tellement de style, tellement de. Ben, tu vois, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ben, moi aussi. J'ai un peu de misère avec les groupes qui. Même au Perth, j'étais un fan au Perth, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, j'ai beaucoup de difficultés. Parce que, personnellement, je reconnais la grande valeur et la grande qualité de ces musiciens et l'originalité de Mark Akerfeld. Puis c'est un passionné et ça paraît, ça transpire énormément. Mais. Quand on écoute la musique qu'ils font aujourd'hui, je préfère peut-être écouter celle qui s'est faite avant, dans le même genre. Moi, Opeth, c'est le côté que j'aimais. C'est le mix progressif avec le gros mix death metal. Ben, c'est comme un côté très... Les opposés. C'est ça. Oui. Maintenant, c'est très bon hard rock, là, j'en conviens. Là, oui. Mais ça reste que c'est juste hard rock. Là, Pour moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Malheureusement, c'est plate à dire parce qu'il y a plusieurs de nos trois auditeurs qui vont être en désaccord avec nous. On est rendu à trois, c'est pas pire. Ouais, ben là, j'ai travaillé fort l'été dernier. qui vont être en désaccord avec nous, mais c'est subjectif, la musique. Hein? Effectivement. Donc, sans plus attendre, allons musicalement retrouver le premier choix de notre ami Sinistro. Quand je dis notre ami, c'est pas préjuratif. Non, c'est pas. C'est même pas au premier niveau, là. J'espère. C'est chose Sinistro. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, un petit bloc de nouvelles formations qui font dans le old school. Bon, ça risque d'être plate, ça. Ben, c'est subjectif, la musique. Hein, ça. Bravo, Sinistro. Bravo. Formation suédoise Air Raid, qui est un typique heavy metal à la sauce Tokyo Blade, comme dans le temps. Ben, je pense qu'on va laisser faire. Hein? OK, c'est correct. Puis l'autre, c'est quoi? Castle. Ça avec, on va laisser faire. Castle qui sort un nouvel album vers la fin octobre, qui donne dans un style plus mélange de doom heavy metal, des petites influences de Trouble là-dedans. C'est assez intéressant comme musique. Et Demon Eye qui est dans le même genre, là. Heavy metal, doom. Oui, ça c'est bien. Ça aussi c'est excellent. Fait que, allons-y tout de suite avec Air Raid, la pièce Hold the Flame qui est parue sur Across the Line. Non, on va y aller tout de suite avec Castle, je pense. OK. Essaye de trouver ce qui est le mix. OK, allons-y avec Air Raid. Let's go. Run away from the demon. vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Tu es une personne curieuse et passionnée de musique, de sport, de politique, d'art et d'autres sujets et tu aimes en parler? Nous avons un projet pour toi. Deviens animateur ou animatrice bénévole pour CIFOU 89.1 FM. La formation est offerte. Pour soumettre ta candidature, remplis le formulaire sur le site de CIFOU.ca et envoie-le à l'adresse de courriel progcifou@uqtr.ca. Au plaisir de t'accueillir dans notre équipe. Caractère. C'est fou, 89 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, en compagnie de cette... Chose. Mais chose est encore trop beau, je trouve. Truc. Machin. Machin. Oui. Et moi-même, charmant jeune homme. De 666 ans. Jeune peut-être, mais charmant haut. Ben en fait, ni l'un ni l'autre. Tu m'as-tu traité de charmant, toi, là? Pas du tout. Je parlais de moi, évidemment. Quand est-ce que tu crois que je vais t'encenser? Encenser? Oui. Ben quand tu seras mort. Ah, ben. C'est pas déjà fait, ça? Non, pas dans ton cas. Ouais, mais. Mais t'as le teint qui va avec la mort. Sentir quand je. Oui, à sentir, oui, effectivement, t'as bien raison. Qu'est-ce qu'on a entendu comme insignifiance, là? Insignifiance. Oui. Bon petit bloc, très insignifiance de l'old school des années 80 en 2017. Oui, absolument. Trois formations, trois jeunes formations qui ont eu comme mission de faire revivre la belle époque de nos débuts lorsque nous étions jeunes et insouciants. Mais bon, j'étais encore insouciant. Nous sommes toujours insouciants, effectivement. On a entendu Demon Eye des États-Unis avec la pièce In the Spider's Eyes qui est parue sur l'album Prophecies and Lies, paru en 2017 sur Soul Cellar Records. Castle des Américains. Hammer and the Cross qui est paru sur l'album Welcome to the Graveyard qui est paru en 2016, un nouvel album est incessamment à paraître. Et Air Raid de la Suède avec Hold the Flame, paru sur le premier album Across the Line, paru en 2017. Ouais, ben là, Sinistro, je dois te dire que ça, Air Raid, là, c'est vraiment pas tombé dans mon créneau. Et d'ailleurs, t'as bien fait de me faire réaliser que, en allant voir de quoi ils avaient l'air, que la moustache est toujours à l'honneur. La moustache est toujours à l'honneur, c'est ça. Ça, c'est un truc que je comprends plus ou moins. Ben, d'accord. Ceci étant dit, 19h42, on va passer tout de suite à ce qui est le segment des albums marquants. Et en ce qui me concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un album des Britanniques de Napalm Death. Leur sixième album paru le 26 janvier 1996, soit Dire Tribes, qui, en fait, comment je pourrais expliquer ça? Je connaissais évidemment Napalm Death depuis leur début avec Lee Dorian. Je t'avoue que cet album-là, dont j'oublie le nom, là. Scam. Ils ont pas commencé, eux autres, avec un Peel Session en début de carrière. Ils ont des démos jusqu'à Scam, en 87. Moi, je pense qu'ils avaient fait un Peel Session quelque part. Là, mais... Et j'en en vois pas ici. Genre à la fin des années 80, là. À la fin des années 80. Ouais, il me semble que j'avais vu ça chez... Ouais, The Peel Session, c'est 89. Session, 89. Ouais, mais c'est après le deuxième album. Okay. Donc, Scam, c'est le premier album que, comme je disais, avec Lee Dorian, qui était après ça très longtemps avec Catch It Raw. Moi, j'aimais pas ça à cette époque-là. J'étais pas capable. Mais c'est quoi, ça se grind? Moi, j'ai connu punk grind. Mais okay, tu sais, okay. Des pièces de genre une minute, là, ou des trucs de même. Je peux même te dire que... te donner une information que la plus longue pièce avait quand même 4,3 4, 4 minutes 3 secondes, mais il y avait des, il y a une pièce d'une seconde, des pièces de 41 secondes, de 37 secondes, de 33, de 31. La mode de cette époque. C'est ça. Moi, j'avais un peu plus de misère avec, avec ce genre de truc-là, et à l'époque, Nipponder, ça me branchait pas du tout. Mais par contre, j'ai appris relativement rapidement à les apprécier. Mais l'album Dire Tribes a été pour moi un album assez révélateur au niveau de la capacité de ce groupe-là, de la puissance du groupe en tant que tel. Et je le considère définitivement et incontournablement comme étant un album marquant pour moi. Parce qu'il faut savoir que les albums marquants, on n'a pas les prétentions de dire que ce sont des albums qui sont marquants pour tous. Là. Non. C'est propre à nous. Là. Donc, c'est un temps, une époque où c'est venu nous chercher à quelque part. Ben, tu as parfaitement bien résumé le truc. Il faudrait que tu aies des choses plus intelligentes de même. Oui, mais ça, écoute, là, profite-en pendant que ça passe. Oui, c'est vrai que l'effort a dû être conscient. D'ailleurs, ça coule par le nez quelque chose. Ah, c'est ton cerveau! Donc, je vous propose ce qui est à peu près la face A à une pièce près de ce qui est Dire Tribes. Donc, dans l'ordre, on va entendre Greed Killing, Glimpse into Genocide, Ride for the Breaking, Curse to Crawl et Cold Forgiveness. Nipon Death, let's go! Trying to be real, the courage. Yeah! cerveau que tu as volé. Essaie d'imaginer le cerveau d'un homme mort qui attend de revivre dans un corps que j'ai fait de mes propres mains. Vous écoutez Réanimation. Remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le dimanche 30 septembre aura lieu la course chiropratique. Dès 8h devant le caps de l'UQTR, il sera possible de faire 5 km, 10 km, une course à relais, 1 km jeunesse ou un parcours de marche de 5 km. Tous les profits amassés seront versés à des organismes comme la clinique communautaire de l'OMH, Mentorat Chiropratique et Chiropratique sans frontières. Pour s'inscrire, il faut aller à l'événement Facebook de Course Chiropratique 2018. Fou de diversité. Quel fou! T'es pas bien, toi. Non. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Ouais, bon, mieux tard que jamais. C'était le temps. Ah, là, là, 20h05, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show avec deux fous, finalement. Un peut-être plus que l'autre. C'était la présentation, la première présentation de l'album marquant, qui était mon choix à moi, soit Napalm Death. avec l'album Dire Tribes, qui était le sixième album de cette formation britannique de Birmingham, paru en 1996. Formation qui a vu le jour en 1981, comme je le disais tout à l'heure. Et à l'époque, Sinistros et moi, nous sommes amusés à aller voir au niveau de la discographie, au niveau des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers démos avant le premier album Scum de 87. Et aucun membre actuel n'était sur l'album, sur les démos. Donc, cette formation-là a probablement eu, c'est un collectif. C'est un collectif qui a décidé de vendre son nom à quelqu'un qui l'a repris pour en faire. Perpétue la flamme. D'accord. Ouais. Possiblement qu'en 2038, il va y avoir encore de la PAMDET avec des nouveaux membres. Ben, c'est ce que Kiss propose de faire. Fait que, Kiss est considéré comme une compagnie maintenant, donc ils veulent avoir de la relève au niveau de l'administration. quoi qu'il en soit, Dire Tribes, comme je disais, sixième album, c'était à l'époque où ils étaient deux guitaristes. Parce que, on le sait probablement tous, ou en fait, ceux qui ne le savent pas, vous allez l'apprendre ce soir, Jesse Pintado est décédé en 2006. On a entendu les pièces Cold Forgiveness à l'instant, qui est la cinquième pièce, précédée de Curse to Crawl, très bonne pièce, en quatrième position de l'album. Right Before Breaking, la troisième. Glimpse into Genocide, la deuxième, une de mes préférées. Et l'ouverture, excellente pièce, qui est peut-être ma préférée de Napalm Death, Greed Killing. Un album qui aura quand même, je dirais, eu un certain, répercussion. Au niveau des amateurs de métal, parce que c'était l'un des premiers albums du genre de ceux qui s'étiquettent ou qui s'étaient fait étiqueter comme étant grind, avec des pièces un peu plus planantes comme on l'a entendu avec Cold Forgiveness, chose qu'ils ont répété à d'autres albums, entre autres comme l'album Inside the Torn Apart. Napalm Death a toujours eu, selon moi, l'équilibre de dire nous sommes capables du pire et du meilleur, si on veut, le pire étant les pièces les plus agressives ou destructrices. Destructeuse. Et le meilleur étant, dans cette figure de style, les pièces qui sont beaucoup plus mélodiques ou mélodieuses, si on veut. Voilà, donc, pour reprendre une des grandes paroles de notre ami le Rockmaster, j'espère que ça vous a plu. Non. Non, bon, ben tant pis pour toi. Mais c'est à peu près la même chose que je réponds moi aussi quand il dit ça. la semaine prochaine, à l'émission, nous aurons, comme on l'a dit d'emblée en entrée, la présentation du nouvel album The Wake par Sinistros. Nous aurons aussi présentation d'une pièce du nouvel album à venir de Behemoth. Oh. Oui, un album qui porte peut-être déjà le nom, j'imagine. Behemoth, dont I Love You at Your Darkest, qui est prévu pour le 5 octobre prochain, donc j'ai vraiment hâte de l'entendre. Il y aura aussi la présentation d'une formation de Liverpool. Tu sais où, Liverpool? Canada? C'est à côté de Chickenpool. Chickenpool. Oui. Conan, formation de Stoner Doom. C'est vraiment excellent. Bon. Tu devrais aimer beaucoup. Et je ne sais pas quoi d'autre. Hein? Formation Satan. Satan, bien sûr. Oui, Satan. On a un peu de retard, hein? Un petit peu. Mais c'est parce qu'il faut comprendre, on est un peu lent d'esprit. Oui. Oui, et puis on est un peu large beaucoup aussi. Ce qui veut dire que ce qui sort, des fois, ça ne tente pas de l'écouter tout de suite. C'est ça. Non, mais c'est juste deux émissions qu'on est revenu. La semaine prochaine, c'est le premier mardi du mois. Oui. Qu'est-ce qui se passe au deuxième mardi du mois? Ben, c'est l'évolution du métal. Et voilà, on revient avec l'évolution métallique selon moi-même. Tu te rappelles où t'en étais arrêté? Absolument. Oui, c'est-à-dire? Aucune idée. Quelque part entre 1969 et 1975. Ben, on ira voir ça sur les... Ben oui. On va trouver ça assez facilement. Mon cher Sinistros, quand je dis cher, c'est le prix que tu me coûtes, là. Oui, c'est ça. Non, cher, c'est H-A-I-R, c'est de la... Oui, c'est vrai. Ben, on peut l'appliquer à tous les sons. Oui. C'est maintenant ton tour de présenter ton album marquant. Bien oui! Est-ce que nous devons nous forcer pour garder le sérieux maintenant? Possible. D'accord. Mais il y a peut-être d'entre vous qui vont peut-être dire « Oh, ouais, c'est vrai que c'était le fun. » Non, je suis d'accord avec toi. On recule en 1983. dans les débuts de 1983, alors que tout était en train d'exploser dans le merveilleux monde du métal. Ben, tout était à faire. Hein? Tout était à faire, effectivement. jeune Sinistros, qui n'était pas encore Sinistros à cette époque. T'étais quoi? Il était lui-même, finalement. C'est-à-dire pas grand-chose, ça? C'est ça. OK. Étant tout jeune et tout shitty. Ça, ça n'a pas vraiment changé. Petit Sinistros en devenir écoutait beaucoup de musique disparate et commençait à s'intéresser à beaucoup de sonorités qui, avec des guitares assez crues. Ayant découvert les Led Zeppelin, Alice Cooper, Steppenwolf quelques années auparavant, pour poursuivre avec les AC/DC et les Def Leppard et compagnie. Un crescendo musical. C'est un crescendo musical, effectivement. Il a mis la patte sur un album de Quiet Riot qui s'appelait Metal Health. Avec Metal Health, Quiet Riot effectuait un immense retour suite au décès de Randy Rhoads. Mm-hmm. Faut savoir que Quiet Riot existait quand même depuis 1973. Sans sous un autre nom, Mac One, mais oui. Quand même, c'est pas des nouveaux venus, là. Puis ce qui est un peu rigolo, c'est que sur cet album-là, on va entendre une des pièces, Slick Black Cadillac. Slick Black Cadillac, originalement, elle figure sur le premier album de Quiet Riot, qui est paru en 1977. Ah, ben c'est possible. Elle est complètement différente, tu sais, elle est plus hard rock. Ouais, OK. Donc, ils l'ont remanié à la sauce. Ils l'ont remanié à la sauce plus élevée. OK. Album qui marque l'arrivée dans le groupe de Carlos Cavazo à la guitare, qui était quand même un très grand virtuose. Wow, il faisait une bonne job. Avec Frankie Banali aussi, qui est arrivé pour cet album-là. Ça a comme pété, ça a pété fort avec la reprise de Command Field of Noise que je vous épargnerai ce soir parce que ça a déjà été entendu à maintes reprises et à maintes sauces. Tout à fait. Moi, plutôt que d'y aller avec une face d'un album, parce que vous savez qu'à l'époque, c'était des vinyles. Oui, oui, ça existait quand même dans le temps, des vinyles. Qu'est-ce que c'est à l'époque, c'est des vinyles? C'est quoi qu'il y a maintenant? Ben, c'est ça. J'essaie d'expliquer aux jeunes d'aujourd'hui que le vinyle n'est pas apparu il y a 5-6 ans, là. Non! Non, ça fait 3 ans seulement. Le vinyle n'a pas remplacé le CD. Oubliez ça, là. Bon. À l'époque, ça fonctionnait d'une façon. Tu avais la face A, la face B. Oui. Ça, c'est pas compliqué. Tu prends le vinyle, tu te retournes d'abord quand il est fini. Mais quand tu avais un peu plus d'argent, tu peux avoir une face C puis une face D parce que tu avais un album double. Oui, effectivement. Non, on n'entrera pas dans les détails du comment les albums étaient faits ou ce que le single était la deuxième pièce et blablabla. Bref, moi, j'y étais avec les pièces de cet album-là qui sortent plus du lot, qui m'ont plus marqué. D'accord. La pièce titre de l'album Metal Health, ou que le monde y appelle ça aussi Bang Your Head, Metal Health. Oui. Slick Black Cadillac, comme j'ai parlé tantôt, et Run for Cover. Oui. Cet album-là, ça a été un des premiers albums qui m'a vraiment imprégné dans... rentrer dans la musique heavy metal en temps, tu sais. C'était le cas pour plusieurs personnes. J'ai découvert un paquet d'affaires par après, là, tu sais. Ça, quand Quiet Riot est sorti avec Metal Health, Metallica n'était pas là, là. Non. Tu sais, il était encore à l'époque des démos, puis c'était aux États-Unis. C'était sur les Metal Massacre. C'est ça. Pis... Slayer était, tu sais, eux autres aussi, tu sais, Voivod, ça s'en venait, puis le kit. C'est vers la fin de 83 que tout a explosé dans le speed metal, puis tout, là. Venom faisait déjà des choses sur le côté, mais tu sais, c'est notre côté de l'Atlantique, c'était pas encore très, très connu non plus. Là. Ouais. Fait que Quiet Riot a été pas mal pour moi, en tout cas, l'élément déclencheur de toute cette bouillie sonore-là. Fait que, on va y aller. Non, mais c'est le fun, tu sais, parce que tu trouves un paquet de styles là-dedans, puis tu sais, même aujourd'hui, quand tu écoutes l'album, tu fais très hard rock, mais tu sais, très, très métal en même temps. Il chevauchait la clôture. Oui, oui, c'était vraiment cool. Puis tu sais, t'avais un côté. Du côté glamish, tu sais, un petit peu emprunté au New York Dolls. Ouais, effectivement. Un petit côté pété, puis tu sais, Twisted Sister qui sévissait beaucoup aux États-Unis à l'époque, tu sais, qui n'était même pas encore vraiment connu ici. Eux autres ont été vraiment très. Complètement capotés. Oui, mais au niveau de leur gimmick, ils ont été très. En fait, c'était très influencé de New York Dolls. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui était passé pratiquement pour des travelots. Oh, oui, effectivement, effectivement. Alors, on va y aller avec trois pièces de l'album Metal Health, qui est paru le 11 mars 1983 sur un défunt label, Pasha Records. Alors, allons-y tout de suite, Metal Health. Let's go. Go. We'll be right back. describe her. Mama says that I never, never mind her. Hand over reins, I'm insane. The teacher says that I'm one big brain. I'm like a laser, six-string razor. We'll be right back. Pour notre gala de financement de notre asso, on ferait partir notre ghetto blaster puis notre grosse lampe? Mouin. Tu veux que le party lève? Fais affaire avec des professionnels du son et de l'éclairage. Odyssée Sonorisation Éclairage Vidéo offre un modèle unique d'affaires en Mauricie et même ailleurs au Québec. Que ce soit pour la location, la vente ou l'installation, Odyssée s'adapte aux projets de n'importe quelle ampleur. De plus, un service d'experts sur mesure est offert. Odyssée, c'est la référence pour rendre vos événements mémorables. Les dimanches de 17h à 19h, à l'émission Des oreilles pour écouter, vous découvrirez de la musique de partout sur la planète, incluant notre beau Québec. Et à l'occasion, des invités se joindront à l'émission. Donc, les dimanches de 17h à 19h, Des oreilles pour écouter, musique du monde et propos divers avec Michel Deschênes sur les ondes de C'est fou. Fou d'exploration. C'est fou, 89.1. Go. Hello. On vient d'entendre Quiet Riot avec l'album Metal Health qui est paru le 11 mars 83. On a entendu les pièces Run for Cover, Slick Black Cadillac et Metal Health. OK, maintenant on peut passer à ta présentation. Non. Je vais juste dire que Run for Cover, c'est toujours une de mes pièces préférées. Oh, ça rentre. De Quiet Riot, puis je vais être vrai avec toi, Metal Health, là, je trouve ça encore bon. Là. Oh, ben oui. C'est une bonne pièce. Là. C'est très... comment je pourrais dire? C'est très rassembleur comme pièce. Ben, c'était le but à l'époque. Ah, c'était ça, OK. Le vidéoclip, il était fait en fonction aussi, tu sais, que t'avais toute la gang de Metalhead qui se tapait à la tête contre un mur, puis ouais. C'était cool. Ah, oui. Ben, je te dirais que dans l'ensemble, là, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté l'album, mais je trouve que ça a quand même vieilli pas si mal. Oh, Condition Protocol aussi, j'ai écouté ça il y a une couple de mois, puis ça reste encore, tu sais, pas ça tous les semaines, là, mais... Ça reste encore au goût du jour, ça sonne encore très très bien. Oui, non, c'est un bon choix. Petite chronique cinéma qui va être relativement courte. Je vous parle d'un seul et unique titre. D'ailleurs, les chroniques cinéma de l'avenir, à l'avenir plutôt, seront plus aussi laborieuses qu'elles l'ont déjà été avec 3-4 titres. Là, sur OK, fait tu y vas, c'est bon, c'est plate. Fini, merci. En fait, ça peut ressembler à ça. Je vous parle du deuxième chapitre de Sicario. T'as vu le premier de Denis Villeneuve? Non. Tu devrais voir le premier. D'accord. Ouais, très bien. Qui met en vedette... là, je parle du deuxième chapitre qui n'est pas de Denis Villeneuve, mais bien Stefano Solima. Sicario, Day of the Soldado, qui met en vedette Benicio Del Toro, Josh Brolin. Ça doit brosser un peu. Ben, c'est là le problème. Ah, ça brosse pas du tout. Le premier était très, très teaser, très trailer en même temps. C'était très original. Ça se passe vraiment dans les cartels, si tu veux, avec des agents qui sont parfois non avoués, qui infiltrent ce... Ben là, dans le premier, c'était un cartel en particulier. Là, c'est les Mexicains, ici. Le premier était vraiment là, très original. Villeneuve, je considère que c'est un très bon cinéaste. Oh, effectivement. J'ai pas aimé son film Si tu l'avais demain, c'était ça, là? Je sais plus. Le spatial horizontal, là. Ouais. Je me rappelle plus du titre. Ça, j'ai pas aimé ça. Mais Blade Runner, c'était bon. Non? C'était correct. Ouais. C'était correct. Écoute, c'était correct. C'était. Oui, ça avait été bien compris, je pense, de lui. Mais je trouve que, généralement parlant, c'est un gars qui se démarque au niveau du cinéma. Puis j'ai du respect pour quelqu'un qui est parti de la rive sud de Trois-Rivières, c'est-à-dire de Gentilly, puis il s'est rendu à Hollywood, là, par ses propres moyens. Cool. Puis par ses propres moyens, c'est quand, dire. À l'époque, il faisait la course de Destination au monde. Exactement. Il a mangé son pain noir, puis aujourd'hui, ben, je pense qu'il a ce qu'il mérite. Mais ici, c'est Stefano Solima, que je ne connais pas du tout. Qui a été le réalisateur de Day of the Soldado. Et malheureusement, c'est un film qui se traîne énormément en longueur. Ça traîne en beaucoup, beaucoup trop de longueur. Et je trouve ça déplorable parce qu'on retrouve encore Benicio Del Toro et Josh Brolin, que je trouve que c'est deux acteurs de calibre. Mais ici, ils ont été mal exploités considérablement. Donc, c'est un film que j'ai pas considéré comme étant mauvais, mais qui m'a endormi et dans les deux sens du terme. Bon. Fait que, ben, bon, qu'est-ce que tu veux, hein? On peut pas trouver son compte à toutes les fois qu'on écoute quelque chose, même musicalement. Donc, c'est ça qui met terme à ma chronique cinéma. Sacrifice, c'était... Je voulais juste vous dire que, ben, tout ceci, je te l'ai dit, je suis en train de me retaper tous les Game of Thrones. Oui. Ma blonde et moi, on se retape depuis le début, les 80 quelques épisodes, avant d'arriver à la conclusion 2019. Et honnêtement, là, je conseille à tous qui ont aimé la première, le premier visionnement des premières saisons, de le refaire, c'est ben, deux fois meilleur. Je vais suivre ton conseil. Ah, tu, écoute, je voudrais pas t'influencer, là, mais je pense que tu devrais m'écouter parce que c'est encore meilleur que c'était. C'est-tu des fois que je t'écoute pas? Tout le temps. Non, tu vois, c'est ça. Définitivement. Je vous parle d'une présentation de nouveautés qui est parue en 73. Non, OK, je vois que tu m'écoutes pas. D'une formation internationale, c'est-à-dire des Pays-Bas, des États-Unis, qui s'appelle Sage of Power. Sage of, le premier album qui est paru, je vais vous dire ça... En 73, en 73, le 7 septembre 73. Donc 2018, le 7 septembre, il y a... c'est une vieillerie, j'en conviens. Formation qui, je dois dire... m'a rappelé de bons souvenirs, honnêtement. De bons souvenirs, parce que tu parlais tout à l'heure des formations un peu à la Crumb Soccer et compagnie. Siege of Power, malgré le fait qu'il soit étiqueté Death Thrash Metal, il y a une grosse partie crossover dans ça. Oh. C'est intéressant, des pièces relativement courtes, qui ont une moyenne d'environ 2 minutes, 2 minutes 15. C'est fort intéressant. Par contre, petite bémol, la qualité de la production ne rend pas justice à la puissance de la musique. Mais je vais quand même vous proposer deux pièces qui m'apparaissent être fort. Vous allez voir, il y a deux penchants à ce que je vous présente. Quelque chose de plus énergique, quelque chose d'un peu plus pesant, si on veut, ouais. C'est ce qu'on retrouve majoritairement sur l'album. C'est vraiment très intéressant, mais au niveau de la qualité sonore, ben, malheureusement, ça désenchante un petit peu. Mais de toute façon, je vous propose d'aller écouter deux pièces de Sage of Power, soit Conquest for What et Torture Lab. Ben, c'est tout à propos, ça. Let's go. Sage of Power. Les deux pièces tirées de leur premier album, Warning Blast, qui est paru le 7 septembre dernier sur l'étiquette Metal Blade. On vient d'entendre Torture Lab. C'est le penchant un peu plus lourd de ce qu'ils font. Et en ouverture de bloc, la pièce qui ouvre l'album aussi, Conquest for What. On retrouve des musiciens quand même qui ont joué avec des noms intéressants comme Autopsy, Asphyx, Grand Supreme Blood Court et Ale of Bullets, pour ne nommer que ceux-là. Donc, c'est quand même des musiciens qui ont une certaine expérience de scène métal, on s'entend. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris quelqu'un pour mixer leur album qui avait de l'expérience dans la scène métal. C'est la bémol de l'histoire, effectivement. Et ça sonne un peu le papier sablé. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai accordé seulement un 7,5 parce que, en temps normal, j'aimais pas mal ce qu'ils faisaient. Ça me ramenait vraiment dans les belles années du crossover et compagnie. Ceci dit, la semaine prochaine, comme je le disais, nous allons présenter Sinistros présentera Voivod. Il présentera Satan, un nouvel album aussi. Je présenterai le nouvel album de Conan. Et nous aurons toutes sortes de belles pièces autres à vous présenter, comme bien à l'habitude. Sûr, bien sûr. C'est à toi qu'il incombe de clore cette émission. Mais avant... Ah non, tu me fais pas... Tu me coupes là. Oui, n'oubliez pas, ce vendredi de 11h ici même à Cifou 89.1 FM pour les vrais amateurs de vrai rock. Rock classique en compagnie du Rockmaster René Lefebvre. Et j'y serai cette fois-ci pour un spécial 1988 qui sera possiblement plus métal. Oh! Ouais. Ainsi que l'émission de notre ami DJ Tower of Death, Subversion, tous les deux vendredis sur SoundCloud, et le blog de notre ami Sinistros, hurlemort.com, pour ses commentaires qui sont tout aussi ridicules que lui-même. Eh oui! Eh bien, merci de m'avoir coupé. Ce fut de très bon agrément et d'intérêt public. Ben vas-y, mon ami, présente-nous ça. On va terminer avec un bloc comme seul moi les aime. Oui, tout à fait. Toi, tu les aimes pas. Pas trop. On va y aller avec un bloc un petit peu avant-gardiste, avec des formations qui sortent un petit peu de l'ordinaire du métalleux moyen. Que je suis. Que tu es, bien évidemment. Mais non. On va y aller avec, vous souvenez, la semaine passée, je vous ai présenté Imperium Antichrist et Voices. Mm-hmm. Eh bien, je vais vous présenter la troisième entité. Ce qui s'appelle Hacker Coke, avec un album que j'ai découvert en 2017, Renaissance et In Extremis. La pièce sera Unbound by Sin. Ça, c'est dans le pété. Mais tu vois, toi, Tower et Alain, vous avez ça en commun. Vous aimez beaucoup ce groupe-là. C'est ça. Ouais, moi, je suis fait vraiment bande à part avec ça. Bande à part. Je vais essayer. Nous autres, on va bander de notre côté. D'accord. Ça sera suivi de la formation allemande Valborg, qui donne dans un côté un petit peu black metal, mais en même temps avec des touches très industrielles, très alternatives en même temps. C'est cru, là, tu sais. Mm-hmm. Il y a un côté très mécanique dans leur musique. Nous, je trouve ça très, très intéressant. Avec une pièce qui s'appelle Blut ein Eisen, qui est parue sur l'album Anstrengend. De 2017, c'est difficile d'aller dans le prochain va être pas quelque chose. Oui, Todd Gelichter, qui vient de l'Allemagne aussi, qui donne un petit peu, qui fait un amalgame de Hacker Coke et Valborg avec des sonorités un peu bizarres, avec des sonorités. Bizarre, ça va avec toi, ça. Oui, mais tu sais, c'est très dissonant. La pièce Shrine, qui est parue sur Rooms en 2016. Alors, on va y aller tout de suite avec Hacker Coke et sur ce. Allez tous vous faire foutre, c'est eux. achieve your goal.